Invention nouvelle et dernière nouveauté par Gaston de Pavlovski. Le cadran lunaire. Quelque bien que les poètes aient dit de la lune, il faut reconnaître que l'astre des nuits demeurait jusqu'à présent parfaitement inutile, et cette inutilité tournait au scandale dans un monde machiné et utilitaire comme le nôtre. Cette anomalie poétique et ridicule va cesser, espérons-le, grâce aux efforts prodigieux d'une compagnie de cinématographes qui met à l'étude en ce moment, au profit d'une grande maison d'horlogerie anglaise, un projet véritablement colossal. Il s'agit, grâce à un foyer lumineux d'une puissance inconnue jusqu'à ce jour, de projeter cinématographiquement sur le cadran lunaire l'image d'une horloge donnant l'heure toutes les nuits aux terriens. Inutile de dire que le mouvement de l'appareil sera calculé de telle sorte que la projection suivra le mouvement de la Lune. L'heure adoptée sera celle de Greenwich. On comprendra facilement, sans que nous y insistions, les services incalculables que rendra des milliers d'humains une pareille horloge nocturne. Regrettons seulement que la maison qui ait fait les frais de cette étonnante projection ait trouvé bien légitime d'inscrire son nom au milieu du cadran. C'est là une nécessité de la publicité moderne à laquelle nous ne saurions échapper. On l'oubliera volontiers si l'on songe aux résultats grandioses d'une pareille entreprise. Réforme musicale des horloges. Au XXe siècle, personne ne s'aviserait de tenir une comptabilité sérieuse en écrivant le chiffre 12, par exemple, de la façon suivante, 1-1-1-1-1-1-1, etc. C'est là un procédé que nous avons abandonné depuis l'âge de pierre. Si l'œil saisit le chiffre 12, ainsi s'écrit 12, il n'en est pas de même, cependant, de l'oreille, qui est bien moins exercée sur ce point que celle des animaux et ne peut percevoir l'heure aux horloges publiques qu'au moyen de coups séparés, ding, ding, ding, ding, etc. Faut-il le dire, lorsqu'on veut exprimer cette idée si simple, midi ou minuit? Ce vestige innommable de barbarie a fort justement ému un jeune écossais mélomane qui se propose de remplacer l'énumération ancienne des heures par un seul coup, au besoin répété, mais reproduisant une des notes de la gamme en redescendant des notes aiguës aux notes graves, d'une heure du matin à minuit, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, etc. D'après son système, midi sonne le la, aisément reconnaissable, et minuit s'exprime par une même note deux fois répétée sur un ton grave, do, do. Il sera très facile à l'oreille de reconnaître les notes qui deviendront de plus en plus graves au fur et à mesure que la journée s'avancera et qui teinteront brusquement claires et hautes à partir d'une heure du matin. Nul doute que ce système soit bientôt adopté pour toutes les horloges publiques. Il complétera fort utilement l'éducation musicale des jeunes Français. Poussette rotative. Nos bijoutiers sont enchantés. On vient d'inventer une nouvelle double bague à roulement à billes qui se placera sur chaque pouce. Ce nouveau dispositif, bien réglé, permettrait de se tourner les pouces durant des heures sans la moindre fatigue et sans danger d'échauffement. Cette mode nouvelle sera bien accueillie, on peut en être persuadé, par tous les rentiers désœuvrés. Le fauteuil éclipse. On nous signale d'un peu partout la nouvelle invention très pratique du fauteuil éclipse, type revolver, pour président de distribution de prix ou autre solennité académique. Ce fauteuil à bascule est à double face. Pendant que l'attention des spectateurs est attirée sur un lauréat, le fauteuil bascule, un mannequin revêtu de la robe, de la toque et des attributs honorifiques du président, paraît à sa place, tandis que le président véritable disparaît dans une trappe et peut se rendre à la buvette pendant que la séance continue. C'est très pratique, très simple, et les apparences sont ainsi sauvegardées. Pétard mignon réveil matin. On m'a demandé quelques renseignements sur le nouveau pétard mignon réveil matin pour gros dormeurs que vient de lancer une maison Bosch. Ce système, du reste assez brutal, ne présente rien de bien nouveau. Le pétard, placé le soir dans l'une des narines du dormeur, est enflammé à l'heure fixée par une simple lentille exposée au soleil. On en règle la position sur un cadran solaire qui communique avec le pétard par un cordeau Hickford. À l'heure fixée, le pétard fait explosion et en général, le dormeur se réveille immédiatement. C'est là un système grossier, applicable peut-être à des brutes, mais que nous saurions préconiser pour les gens du monde. Drastore. Le nouveau Drastore est bien le plus pratique des réveils matins. Il a ce grand avantage d'être silencieux et de ne pas éveiller inutilement les voisins. L'appareil se compose d'un ressort robuste, commandé par un mouvement d'horlogerie placé au pied du lit et actionnant un rouleau de bois auquel sont attachés les draps. Lorsque l'heure du réveil a sonné, le ressort se détend et les draps s'enroulent instantanément, découvrant le dormeur. Celui-ci a beau geindre et invoquer les plus vains prétextes, il est bien forcé, après quelques minutes, de se rendre à l'évidence. Il est spécialement recommandé aux gens qui font usage du Drastore de se coucher normalement, la tête haute, dans leur lit. Quelques accidents se sont produits, en effet, lors des premiers essais. Les dormeurs, ayant eu les pieds engagés dans l'engrenage, ont été enroulés eux-mêmes autour du réveil avec leurs draps. C'est un pénible accident qu'il est facile d'éviter en prenant quelques précautions. L'heure exacte. Nous sentions bien que la réforme de l'heure réalisée par les grandes compagnies de chemin de fer dans leurs indicateurs ne pouvait pas être définitive. Noter les heures de 0 à 24, cela n'empêchait point de recourir aux chiffres supplémentaires des minutes, en négligeant cependant les secondes. Ce système de notation était, on en conviendra, des plus démodés et peu scientifiques. À dater du 1er septembre, les indicateurs mentionneront non plus l'heure du jour légal, mais plus simplement la seconde exacte de la journée, le jour sidéral de 24 heures comprenant, on le sait, 86 400 secondes. Avec l'ancien système, on disait par exemple « Vous prendrez le train de 8h47 qui vous déposera à Saint-Mihiel à 9h22. » Aujourd'hui, nous disons « Vous prendrez le train de 20h47 qui vous déposera à Saint-Mihiel à 21h22. » Demain, ce sera beaucoup plus simple. Nous nous contenterons de dire « Vous prendrez le train de 74 820 secondes qui vous déposera à Saint-Mihiel à 76 920. » Comme cela, un seul nombre suffira pour indiquer la seconde exacte de la journée. On ne dira plus quelle heure est-il, mais quelle seconde est-il. C'est là une réforme véritablement digne de notre époque, toute d'exactitude et de précision. Cette réforme simplifiée destinée au gros public ne pouvait pas cependant suffire à nos savants. C'est ainsi que j'ai reçu dernièrement du Bureau des Longitudes une lettre fort intéressante datée de Paris, 60 308 722 800 secondes. Il paraît en effet que dans le monde scientifique, on se propose désormais de noter l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la seconde en un seul chiffre. Ainsi, au lieu de dire « Vous prendrez le train de 74 820 secondes le 15 septembre qui vous déposera à Saint-Mihiel à 76 920 », on dira prochainement vous prendrez le train de 60 325 961 220 secondes qui vous déposera à Saint-Mihiel à 60 325 963 320 secondes. Cette nouvelle notation, basée sur la seconde de l'ère chrétienne, apportera une grande précision dans notre vie journalière. Elle pourrait être utilisée pour la correspondance ou pour les affaires. Remarquons toutefois qu'on ne pourra l'appliquer aux indicateurs de chemin de fer qu'à la seule condition de publier un nouvel indicateur chaque jour, ce qui est en somme fort peu de choses à obtenir. Signalons enfin, mais pour les seuls spécialistes, la nouvelle notation, basée toujours sur l'ère chrétienne, mais en cinquième de seconde, pour le chronométrage des grandes épreuves sportives. C'est encore ce que l'on a fait actuellement de plus simple en matière de réforme scientifique. Gants à écrire. Les nouveaux gants à écrire en caoutchouc sont en train de révolutionner le monde de la dactylographie. Ces gants, en caoutchouc moulé, portent en relief au bout des doigts les lettres de l'alphabet, les chiffres et signes de ponctuation. Il suffit de mettre cette paire de gants pour pouvoir écrire tout aussitôt, sans avoir recours à une machine à écrire toujours encombrante. Les lettres les plus usuelles sont placées à l'extrémité des doigts, les autres en dessous. Les signes d'un usage exceptionnel, placés au-dessus des ongles, se font avec le doigt replié. L'ancrage s'obtient au moyen d'un tampon placé dans la paume du gant. Il suffit de serrer les points après chaque ligne pour que toutes les lettres se trouvent ancrées. Seul le point d'exclamation est placé sur le coupant de la main. Il se fait en frappant le papier du poing fermé. Ce nouveau système demande une grande précision pour que les signes soient tracés à leur bonne place. Mais cette précision s'obtient après quelques semaines d'exercice, et l'on voit d'ici le précieux avantage de ce nouveau procédé qui permet d'emporter dans la poche, en voyage, sa machine à écrire comme une paire de gants, sans être en aucune manière encombrée. Chaussettes en tonnoir pour écolier. La nouvelle chaussette en tonnoir pour écolier à bord évasé permet de retrouver les billes et les sous qui tombent naturellement par les poches trouées d'un pantalon. C'est une sérieuse économie pour les familles. L'appareil est simple. Il se compose d'un fil de laiton passé dans le bord évasé de la chaussette et maintenu au moyen d'un support placé sur la bottine. Shampoing scolaire. Le conseil municipal vient de décider de faire creuser une fosse à automobile dans la cour de chaque école primaire. Les enfants seront groupés le matin dans cette fosse, la tête seule émergeant au ras du sol. Il suffira ensuite de faire appel à la balayeuse automobile pour qu'en quelques secondes, toutes les têtes subissent un shampoing énergique. Pickpocket. On nous écrit de Londres qu'un grand tailleur du Strand vient de lancer une mode qui fera fureur cet hiver. Il s'agit des nouvelles pickpockets ou pickpoches dont sont déjà munis tous les pardessus d'hiver de nos élégants. L'intérieur de chaque poche est formé par deux petites plaques de cuir recouvertes d'une carapace de fines aiguilles dont la pointe est tournée vers le bas. Lorsque l'on met la main dans une poche ainsi établie, on éprouve en descendant une douce sensation comparable à celle que procure le toucher de la soie. Mais si l'on veut retirer la main, les aiguilles s'enfoncent profondément dans la chair et empêchent l'indiscrète de faire le moindre mouvement de retraite. On peut ainsi faire arrêter immédiatement les indélicats gentlemen qui n'hésitent pas à entreprendre de fructueux voyages d'exploration dans les poches des passants. Les détectives sont dans la joie. Mais il faut bien reconnaître que l'usage des poches ainsi modifiées demande un peu de prudence. Les premiers temps, en effet, on peut encore par inadvertance mettre les mains dans ses propres poches. On se trouve soi-même pris au piège et forcé de rentrer chez soi, les mains dans les poches, sans saluer personne. Mais ce n'est là qu'une affaire d'habitude et nos policiers amateurs se montrent enchantés de cette mode nouvelle. Pâte d'aimant pour cheveux métalliques. Les transformations de la mode semblent cette année s'appliquer tout particulièrement à la chevelure. C'est ainsi que l'on annonce pour cet été la perruque en éponge que l'on pourra imbiber durant les grandes chaleurs d'eau fraîche ou même d'éther suivant le goût de chacun. Puisque nous parlons de coiffure, signalons également que les cheveux se porteront verts l'an prochain. C'est la couleur complémentaire du rouge et la coiffure s'harmonisera ainsi plus complètement avec les lèvres et les joues. À moins toutefois que l'on ne porte les lèvres vertes et les cheveux rouges. Les modistes hésitent encore à ce sujet pour lancer les nouvelles modes de la saison. Toujours dans le domaine de la coiffure, il nous faut signaler l'ingénieuse pâte d'aimant avec laquelle on badigeonne actuellement les crânes de nos chauves les plus notoires. Il suffit d'approcher ensuite de la tête les cheveux artificiels en fil de fer pour que ceux-ci, attirés par la pâte d'aimant, se collent tout aussitôt sur le crâne. Les cheveux artificiels prennent ainsi naturellement leur place sur la peau véritable du crâne. Pour les militaires qui désirent se coiffer en brosse, des clous ordinaires pourront suffire. Signalons enfin, pour les dames qui préfèrent les teintes jaunes, qu'après quelques lavages, les cheveux en fil de fer prennent bientôt une couleur rouille des plus agréables. Appareil à sécher les larmes. Le nouvel appareil à sécher les larmes se compose d'un mignon nécessaire de poche renfermant un petit singe en peluche monté sur une pince, se plaçant sur le nez et une glace de poche. Un rapide coup d'œil dans la glace suffit à sécher les larmes, tant est ridicule l'aspect du visage avec ce petit singe perché sur le nez. C'est ce que la science nous offre de mieux sur ce chapitre. Passoire à un seul trou. Parmi les objets usuels de ménage, citons la nouvelle passoire à un seul trou, infiniment pratique, et qui permet de passer instantanément les objets les plus divers et les plus résistants. La passoire se compose d'un manche portant à son extrémité un simple cercle en métal. Le savon antidérapant. Signalons en tête de ce chapitre une invention modeste, sans prétention mais utile. Le nouveau savon antidérapant garni de clous qui sort bientôt sur toutes les toilettes. On le sait, en effet, le savon, jusqu'à ce jour, avait le grave défaut de glisser entre les mains et de déraper sur le sol avec une facilité déplorable. Le nouveau savon antidérapant, analogue au pneumatique antidérapant de l'automobile, supprimera tous ces inconvénients. On nous fait remarquer, accessoirement, qu'il s'use moins vite que les autres savons, ce qui est une qualité appréciable. Moustiquaire. Signalons pour la saison d'été une nouvelle moustiquaire qui ne mesure que 5 cm de côté. Au lieu de réserver, comme on le faisait jusqu'à présent, une toute petite place pour la personne qui couche dans la chambre sous la moustiquaire et d'abandonner le reste de la pièce à de petits insectes, il est plus logique, en effet, de placer les moustiques dans une toute petite boîte de gaz et de réserver la chambre à coucher pour l'être humain qui l'habite. Cette modification sera accueillie avec allégresse dans les pays du Midi. Le tabouret chameau. On connaît les nouveaux tabourets chameaux que l'on utilise depuis quelque temps dans les grands bars. Le tabouret chameau articulé s'agenouille lorsqu'on veut monter dessus et il suffit pour le relever de lui donner quelques coups de pied dans les pattes. Cette innovation va être appliquée prochainement aux automobiles et aux trains de luxe qui seront munis de roues en fil de fer articulées. Nous aurons ainsi les auto-chameaux et les wagons-chameaux qui s'agenouilleront pour laisser monter les voyageurs et qui se relèveront ensuite. Où s'arrêtera-t-on en matière de confort? Le crabe casse-noisette. Les maîtresses de maison sont ravies. On vient de lancer à Paris un nouveau crabe mondain casse-noisette qui, dressé avec soin, prendra place sur toutes les tables élégantes. Rien n'est plus divertissant que de voir le crabe casser obligeamment, à la fin du dîner, les noisettes et les amandes qui lui sont présentées. Le crabe y met d'autant plus d'empressement qu'il sait qu'au dessert aucun danger immédiat ne le menace et que les entrées ne lui ménagent plus de douloureuses sorties. C'est là un plaisir fort innocent qui égaiera les convives cet hiver durant les longs dîners officiels. Phare cinéma. Le phare cinéma est une heureuse invention qui fera la joie de tous les chauffeurs et leur évitera de nombreuses contraventions. Au moyen d'un petit mécanisme branché avec une courroie sur le ventilateur, le phare de l'automobile se transforme à volonté en cinéma et projette des vues sur le sol. Le film adopté pour éviter la contravention représente un gros serpent python fuyant sur le sol devant la voiture. Lorsque les agents voient arriver l'automobile poursuivant le terrible ophidien qui se convulse désespérément sur la route, ils s'écartent avec crainte et ne songent pas à dresser contravention. C'est simple, mais encore fallait-il y songer. Ajoutons que d'autres vues peuvent charmer les voyageurs durant leurs excursions. On peut projeter la nuit des scènes comiques sur les murs, dans la campagne, pendant que l'on répare un pneu. On peut également utiliser comme écran la bâche d'une voiture de maraîcher lorsque le conducteur sommeille et que l'on est forcé de rouler lentement derrière la carriole durant plusieurs kilomètres. Photographie sans retouche. Le monde des photographes est dans l'émoi. Plus de retouches longues et coûteuses, plus de portraits exacts et peu flatteurs qui découragent la clientèle. Au moyen de petits projecteurs envoyant sur telle ou telle partie de la figure des rayons diversement colorés, on retouche à l'avance la figure du client au moment de la pose, un peu comme, dans certains cabarets montmartrois, on changeait au moyen de projection la tranquille figure du client en tête de mort. Seulement, chez le photographe, c'est tout justement l'opération contraire, et l'on transforme avec un peu de doigté les personnes les plus laides. On rectifie les nez de travers, on agrandit les yeux, on diminue la bouche. La photographie, prise ainsi d'après nature, ne comporte aucune retouche et l'enthousiasme de la clientèle fait plaisir à voir. Explosion d'oiseaux. Sans reculer devant les conséquences administratives, toujours inquiétantes, d'un pareil acte, et n'écoutant que son courage, un citoyen brisa, le 15 du mois dernier, la vitre légère d'un avertisseur d'incendie situé quai Voltaire. Une explosion venait en effet de se produire entre les cheminées d'une maison sise sur le quai. Lorsque les pompiers arrivèrent, aucune trace de l'explosion ne subsistait. C'est tout au plus si quelques plumes voltigeaient lentement dans l'air et le courageux citoyen fut arrêté comme on devait s'y attendre. Le même fait s'étant toutefois reproduit 18 fois de suite au même endroit, l'attention du lieutenant de pompier finit par être éveillée et l'on constata, après quelques heures d'observation patiente, que l'on se trouvait en présence d'explosions d'oiseaux. Comment de pareilles catastrophes, réservées jusqu'à ce jour aux oiseaux artificiels, pouvaient-elles atteindre ces antiques petits volatiles? On se le demanda tout d'abord avec étonnement, mais le directeur du laboratoire municipal eut au fait d'élucider ce mystère. Nous signalerons plus loin, au cours de ces notes un peu abstraites, la curieuse évolution des moineaux parisiens, qui, ne trouvant plus de crottins sur la chaussée, ont pris petit à petit l'habitude de se nourrir d'huile et de pétrole d'automobile. Cette alimentation, parfaite à tous égards, a cependant un grave défaut. De ces huiles essentielles se dégagent, sous l'influence de la chaleur animale, de dangereuses vapeurs inflammables, et comme les moineaux ont la touchante habitude de faire leur nid près des cheminées, des explosions étaient à craindre, elles se sont produites. Tout aussitôt, la Société protectrice des animaux a mis à l'étude un nouveau modèle de nid pour moineaux en toile métallique qui est construit à la façon des lampes de mineurs et établi à des milliers d'exemplaires, sera placé sur tous les toits de la capitale. C'est là une conséquence onéreuse, mais inévitable, du progrès. Le muscassone antibibrateur. Le muscassone antibibrateur est un nouveau piège à mouches et à moustiques de conception très scientifique. Son utilité pratique sera appréciée particulièrement. Il est constitué par un appareil sonore destiné à émettre dans l'air des vibrations contrariant celles des ailes des mouches qui volent. La mouche, désunie, comme disent les coureurs cyclistes, tombe à terre, se traîne péniblement, et le talon de l'homme fait le reste. Le muscassone peut être également employé sans inconvénient et à tout moment comme instrument dans une orchestration de musique moderne ou comme avertisseur d'automobile. Il joint ainsi l'utile à l'agréable. Protège-pointe pour moustiques. Les Italiens viennent de lancer une très jolie petite invention, le protège-pointe pour moustiques. Ce protège-pointe est construit au moyen de petites perles de verre que l'on trouve dans le commerce et dont le trou central est bouché au moyen d'un simple mélange de poids et de beefsteak haché. Il suffit de laisser quelques petites perles ainsi armées exposées sur les meubles de la chambre. Le moustique se jette sur la perle, enfonce son dard dans le beefsteak central et ce dard reste fixé au moyen de la poix. Le moustique, ainsi muni du protège-pointe, est désormais inoffensif. Il peut voler tout à son aise et rien n'est plus joli que le miroitement dans le soleil de ces milliers de moustiques garnis de perles multicolores. Les sirons industriels. Une importante fabrique de crayons vient de dresser spécialement plusieurs milliers de ces intelligents insectes appelés sirons qui percent le bois et qui se trouvaient sans emploi depuis que les marchands de meubles anciens ont remplacé leur service par l'usage plus rapide de fusils de chasse chargés à petit plomb. Les sirons sont utilisés, on le devine, par les marchands de crayons pour percer très exactement le bois à l'endroit où l'on placera ensuite la mine de plomb. Ils sont soigneusement élevés et choisis parmi les sirons ayant exactement le calibre de cette future mine de plomb. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette petite invention, c'est la simplicité avec laquelle, sans disposition spéciale, le bois est exactement percé en ligne droite. Il suffit de placer très rigoureusement le siron dans l'axe du crayon qu'il doit percer. Comme le bois de ce crayon est de qualité supérieure et que sa dureté est partout la même, le siron n'a aucun intérêt à aller à droite ou à gauche pour trouver une route plus facile. Au contraire, comme le fait de se détourner de son chemin réclamerait de lui un effort supplémentaire, le siron continue tout droit, sans jamais dévier de sa route. Le procédé est d'une simplicité enfantine, on le voit, mais encore fallait-il le trouver. Ajoutons que la grande manufacture, qui vient de s'assurer ce brevet pour 20 années, l'a complété d'une façon fort heureuse. Non seulement le siron est chargé de percer le bois, mais on lui attache la mine de plomb au bout de la queue au moyen d'une ficelle, et lorsque son travail est terminé, la mine de plomb se trouve mise en place à l'intérieur du crayon. Il suffit alors de couper la mare et le siron est de nouveau disponible. Malheureusement, il faut bien le dire, la Société protectrice des animaux, une fois de plus, s'est émue de ce procédé. Par l'intermédiaire du commissaire de police, elle a fait signifier aux industriels intéressés que ce traitement lui paraissait barbare et qu'elle enjoignait que l'on eût désormais à utiliser de petits colliers pour la traction de la mine de plomb. Elle exige également l'emploi de lunettes pour que les sirons ne soient pas aveuglés par la sciure de bois. N'est-ce point là pousser un peu loin l'amour des bêtes? Bachalet sucré. Signalons à tous les éleveurs que, d'après un rapport récent présenté à l'Académie de médecine, il suffit de nourrir les vaches avec des betteraves pour obtenir un excellent lait sucré que l'on peut vendre 15 centimes au lieu de 10 centimes la tasse. bâche à café. On se souvient de l'accueil triomphal que l'Académie de médecine avait fait, il y a quelque temps de cela, aux nouvelles bâches à café que l'on avait présentées. Combinées avec les anciennes bâches à lait, ces nouveaux ruminants allaient assurer à la population française un petit déjeuner sain, nourrissant et d'une qualité indiscutable. Il faut aujourd'hui déchanter. On s'étonnait bien un peu de voir des vaches ordinaires produire du café à la place de lait. Mais dans le premier moment d'enthousiasme, nos savants n'avaient pas examiné la question plus avant. Le petit mystère est aujourd'hui percé à jour. C'est uniquement avec de la chicorée que nos éleveurs avaient nourri leurs vaches, et le café ainsi obtenu était donc de qualité tout à fait inférieure. En matière de progrès, ceci nous prouve une fois de plus qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite. Chaussures à écoulement d'eau. Par les temps d'averse printanière, beaucoup de gens se plaignent d'avoir constamment les pieds mouillés et de contracter ainsi tous les rhumes imaginables. On sait en effet que les chaussures, petit à petit, laissent pénétrer l'eau et que cette eau, ne sachant ensuite par où sortir, séjourne dangereusement à l'intérieur des bottines. Frappé de cet inconvénient, un grand bottier du boulevard vient de lancer une nouvelle chaussure portant sous la semelle un trou large comme une pièce de 2 francs, permettant à l'eau de s'écouler immédiatement au dehors lorsqu'elle a pénétré dans la chaussure. C'est là une innovation des plus intelligentes et que nous avons plaisir à signaler. Ajoutons enfin que d'industrieux militaires qui avaient adopté cette chaussure l'ont munie d'un simple bouchon. On enlève le bouchon pour vider l'eau du soulier, on le remet pour l'empêcher d'entrer. C'est pratique et peu coûteux. Percement des aiguilles alpestres. Le club alpin français s'est ému des nombreux accidents survenus cette année dans l'Alpe homicide et une commission a été nommée pour prendre, dans le plus bref délai, les mesures de sécurité nécessaires. Après enquête, on a constaté que la plupart des accidents de montagne se produisaient au cours de l'ascension des aiguilles. Pourquoi ? La raison en est simple, ces aiguilles de pierre, très primitives, ne sont pas en effet percées à leur extrémité comme les aiguilles ordinaires vendues dans le commerce et fabriquées par des usines modernes pour les besoins de la couture. Il suffirait de percer toutes les aiguilles de montagne pour éviter toute chance d'accident et les travaux ont été entrepris immédiatement en ce sens aux frais du club alpin. Une fois l'aiguille percée, il sera facile en effet aux alpinistes de passer dans le trou une corde qui permettra aux uns de monter tandis que les autres descendront. Il est véritablement navrant que ce perfectionnement indispensable n'ait pas été réalisé plus tôt. Mais que dire de l'indifférence de nos alpinistes qui, depuis des années, ne s'étaient même point avisés que les aiguilles des Alpes n'étaient pas percées et enroulaient leurs cordes d'une façon barbare autour de la pointe du rocher. Parapluie lumineux. Il faut signaler pour les temps de pluie le nouveau parapluie rotatif lumineux que l'on met en vente un peu partout. Ce parapluie ressemble beaucoup aux parapluies ordinaires, avec cette différence toutefois, que l'armature est montée à billes et peut tourner librement, actionnant ainsi une minuscule dynamo qui alimente une petite lampe électrique placée dans le manche. La nuit, par temps d'orage ou de grand vent, le parapluie tourne sur lui-même et engendre l'énergie nécessaire pour l'éclairage de la lampe. C'est là une invention qui sera bien accueillie surtout à la campagne. Le funiculaire à grenouilles. Il n'est bruit dans le monde des ingénieurs que du nouveau funiculaire barométrique que l'on est en train de construire entre le lac de Genève et le rocher de Naï. Ce nouveau chemin de fer de montagne est du reste d'une ingéniosité parfaite. Construit comme les autres funiculaires, il prévoit 2 voitures, l'une montante, l'autre descendante, reliées par un câble passant au sommet sur un tambour. Il comprend en plus une toute petite échelle de bois parallèle à la voie et qui va depuis le lac jusqu'au sommet. Sur cette échelle, lorsque le temps sera beau, grimperont d'innombrables grenouilles barométriques qui, en temps ordinaire, stationneront sur la rive du lac. Une fois arrivées au sommet, ces grenouilles, sous la conduite attentive d'un employé, seront placées dans la voiture descendante et formeront le contrepoids nécessaire pour élever la voiture montante. Les grenouilles, au reste, ne serviront que d'appoint puisque le poids des voyageurs qui descendent est sensiblement égal à celui de ceux qui montent. C'est là une utilisation fort heureuse de cet instinct spécial aux grenouilles baromètres et qui les porte à gravir une échelle en cas de beau temps. J'ajoute enfin que le funiculaire n'étant destiné qu'aux touristes, il n'y aura aucun inconvénient à ce qu'il ne fonctionne pas en cas de mauvais temps, les jours où les grenouilles refuseront tout service. Ajoutons à ce propos qu'il ne faut attacher aucune importance à un incident grossi à plaisir qui attrista les débuts des travaux. L'hiver dernier, en effet, le caissier chargé de surveiller le matériel pendant la mauvaise saison des neiges se trouva isolé par le mauvais temps, et pendant 35 jours, il n'eut pour se nourrir que les malheureuses grenouilles dont il avait la garde. Ce ne fut là qu'un léger incident, et il sera facile de retrouver le nombre de grenouilles suffisant pour assurer la marche du funiculaire. C'était quelques inventions nouvelles et dernières nouveautés par Gaston de Pavlovski.